il était devenu le sous-directeur de la fabrique. Devant Frédéric et Madame Arnoux, il infligea plusieurs sanctions au personnel pour infraction au règlement.